الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Maintenant nous allons parler de la prière en groupe en elle-même, qui est composée de certaines règles. Et la première chose dont on va parler, c'est l'imam wa ahkamuha. Les règles de l'imam. Awalan, l'imam, c'est le fait de présider la prière. Elle a une valeur. Elle a une vertu. D'ailleurs, Allah Ta'ala, en parlant de Ibrahim alayhi salatu wa salam, a dit dans le Coran qu'il a dit وَجَعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. De même que certains sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner une place pour présider la prière aux gens. Comme il est rapporté dans le hadith de Muslim et de l'imam Ahmed, donc dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que à la fin des temps, Isa alayhi salatu wa salam, qu'il y a toujours une partie de cette communauté qui combat dans la vérité et qu'ils sont prépondérants et que à la fin des temps, Isa alayhi salatu wa salam va descendre et que le dirigeant de l'armée des musulmans, l'imam, car le dirigeant c'est celui qui préside aussi la prière, il a voulu devancer Isa alayhi salatu wa salam pour présider la prière. Et Isa alayhi salam, il a refusé. Et il a dit que ça, c'est un honneur pour cette communauté de présider la prière des gens. Et Isa alayhi salam, il va prier derrière un simple musulman. Regardez Fadl l'imam. Bien qu'à la fin des temps, il ne viendra pas en tant que prophète avec un message, mais il viendra en faisant partie de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La question qui se pose quand on a su cela, qui est la personne qui mérite le plus de présider la prière des autres? Les savants ont divergé. Une partie des savants, le madhhab de Abu Hanifa et de ses deux compagnons, et l'imam Thawri ou l'imam Ahmad ibn Hanbal, eux, ils voient que celui qui préside la prière, c'est Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum, on va expliquer après. Je ne le dis pas en français parce que même dans la compréhension de Aqra'uhum, il y a divergence. Donc c'est pour ça que je laisse à Aqra'uhum. Aqra'uhum, ça peut vouloir dire celui qui connaît le plus, ça peut vouloir dire celui qui lit le mieux. On va le voir après. Et ils se sont basés en cela, sur le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, rapporté par Muslim al-Nasa'i et l'imam Ahmed, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand ils sont trois, que préside la prière l'un d'eux, et celui qui mérite le plus d'être imam, c'est celui Aqra'uhum. On va voir qu'est-ce que ça veut dire Aqra'uhum. Le hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari, qui est le hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud et Tirmidhi, al-Nasa'i ou Ibn Majah, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, préside la prière des gens, Aqra'uhum, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans le qira'a, dans la lecture, ils sont identiques, alors celui qui connaît mieux la sunna, c'est-à-dire les hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, si leur connaissance de la sunna est identique, alors celui qui a fait l'égir le plus tôt. Et si dans les hijra ils sont identiques, alors c'est le premier qui s'est aqdamuhum silman, c'est-à-dire le premier qui est entré en islam, ou aqdamuhum sinnan, dans une riwaya, le plus âgé d'entre eux. Et que l'un de vous ne préside pas la prière dans le domaine d'un autre. Et qu'il ne s'assoit pas dans sa place d'honneur, sauf avec sa permission. Le hadith de Amr ibn Salama aussi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez la prière en tant que telle heure et telle heure, et à tel moment et tel moment, et quand la prière vient, que l'un de vous fasse l'appel à la prière, et que préside celui qui connaît aktharuhum Qur'anan. Donc dans cette riwaya, il ne parle pas de aqra'uhum, ils disent aktharuhum Qur'anan, celui qui connaît le plus de Qur'an. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Nasa'i, et c'est un hadith sahih. Le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, quand les muhajiroun, ils sont arrivés à Medina, à un endroit qui s'appelle Al-Usba, c'est un endroit à Quba. Avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive à Medina. Donc cette histoire elle est rapportée par Al-Bukhari et Abu Dawud. Et donc, c'est un hadith sahih. Qui était à cette époque-là C'était Salim, l'esclave de Abi Hudhayfa, qui présidait la prière pour les gens, car c'est celui qui connaissait le plus de Coran. Donc les sahaba, ils se sont accordés à devancer celui qui connaissait le plus le Coran. Donc ça, c'est l'avis de ceux qui disent, celui qui doit présider, c'est celui qui connaît le plus ou bien qui connaît le mieux le Coran. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire « Aqra'uhum li kitabillah ». Le deuxième avis, ils disent « Préside la prière afqahuhum », la personne qui a le plus de connaissances dans le fiqh. Et ils se sont basés sur quoi? Premièrement, ils ont dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les sahaba ils l'ont rapporté, ils apprenaient 10 versets et ils apprenaient toutes les règles qu'il y avait dedans. Après, ils apprenaient encore 10 versets. Donc, il n'y avait pas des sahaba qui connaissaient le Coran et qui ne connaissaient pas le sens du Coran. Ceux qui connaissaient le plus le Coran, c'est ceux qui connaissaient le plus le sens et les règles du Coran. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, ils ont dit quelqu'un sans fiqh, comment il peut présider la prière? Il ne connaît pas l'arkan, ni le wajibat, ni le shart, ni le siha, ni sujoud sahou, ni rien. Et aujourd'hui, on en trouve des gens comme ça. À part le Coran, Dandine, il ne connaît rien. Il connaît le Coran par cœur, il est capable de te le réciter comme un perroquet, mais il n'est pas capable ni de le comprendre, ni d'en tirer des règles, ni de présider. Kadhalika, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, il a devancé qui pour faire la prière pour les gens? Abu Bakr ibn Siddiq, ce n'est pas celui qui connaissait le plus le Coran dans les sahaba. Mais c'est lui que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a devancé pour présider la prière des gens. Donc ça, c'est le deuxième avis qui disent, celui qui préside, c'est afqahuhum. Et quand on dit aqra'uhum, les hadiths qui disent aqra'uhum li kitabillah, c'est dans le sens celui qui comprend mieux l'essence et qui en tire les règles. Eux, ils disent cela. Tayyib, quel est l'avis le plus juste parmi ces deux avis? Allahu a'lam, l'avis le plus juste, c'est celui qui préside, c'est aqra'uhum li kitabillah. C'est pas afqahuhum. Aqra'uhum li kitabillah. Pourquoi? Premièrement, car que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit « فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ » Donc si c'était « أَقْرَأُهُمْ » ça voulait dire celui qui connaît le plus la jurisprudence et les règles religieuses, il n'y aurait pas eu besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si dans la lecture du Coran ils sont équivalents, alors celui qui connaît le mieux la sunna. » Il n'aurait pas eu besoin de faire cette différence-là. Car celui qui connaît le mieux la sunna, c'est aussi « أَفْقَهُهُمْ » celui qui a le fiqh, la connaissance, car la sunna, c'est avec le Coran et la sunna, et c'est avec la sunna qu'on comprend les règles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a devancé Abu Bakr ibn Siddiq pour présider la prière, c'est il a voulu montrer à la umma qui est-ce qui méritait d'être le calife et le chef des croyants après sa mort. Donc, il l'a dit devancer. D'ailleurs, quand un jour il était dans son lit, malade, et il a entendu la voix de Omar ibn Khattab réciter, il est sorti. Il a dit, Allah et son prophète ne veulent que Abu Bakr. Allah et son prophète ne veulent que Abu Bakr. Il a bien voulu montrer, qui mérite le mieux d'être le chef des croyants après moi? C'est Abu Bakr. Et effectivement, le chef, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, donc le émir, le chef des croyants, ou bien le chef d'un groupe en voyage, ou bien le chef d'un endroit, le chef de où que ce soit, le chef d'une maison, c'est lui le prioritaire pour présider la prière, devant tout le monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit, que personne ne préside la prière devant quelqu'un dans son lieu de pouvoir, dans le lieu où c'est lui qui a la décision. Donc c'est pour ça qu'Abu Bakr a présidé la prière. C'est pour ça qu'Abu Bakr a présidé la prière, car c'est lui qui allait être, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef des croyants. Walakin, il y a deux conditions pour que l'Aqra, celui qui connaît le mieux le Coran ou le plus, on va voir tout de suite, c'est lui qui préside la prière. La première condition, qu'il connaisse les choses de base dans les sciences de la salat. Les ablutions, نواقض الوضوء, ce qui annule les ablutions, النجاسات, les impuretés, les conditions de validité de la prière, les piliers, les obligations, comment faire sujoud de sahou, comment rattraper s'il y a un manque dans la prière, et les règles de l'imam. Il doit connaître au moins, en général, les choses les plus importantes de ces règles-là. S'il ne connaît pas les choses les plus importantes de ces règles-là, il ne peut pas présider la prière des autres. Il reste toujours ma'moum. Il ne préside pas la prière, mais il laisse quelqu'un qui connaît les règles présider la prière. Ça, c'est le shart al-awwal. Le shart al-thani, la deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas un imam désigné dans cet endroit. Ou bien, c'est dans une maison. Si on est chez quelqu'un, l'imam de cet endroit-là, c'est le chef de la maison. Sauf bien sûr si lui, il n'est pas capable de présider. C'est-à-dire qu'il n'a pas les conditions dont on a cité auparavant. Il ne connaît pas ni fiqh al-salat, ni le wudu, ni rien. Dans ce cas-là, il laisse celui qui connaît mieux que lui présider, s'ils font la prière en groupe. Non. Ou bien dans un endroit, par exemple, on arrive dans une société. Alhamdulillah, c'est des musulmans. Et le patron de l'entreprise, c'est lui qui est prioritaire pour présider la prière des gens. S'il n'est pas capable, donc ce sera lui qui va désigner quelqu'un pour le faire, mais la désignation doit venir de sa part. Dans un pays musulman, c'est l'imam qui est désigné par l'État. Dans les pays non musulmans, c'est l'imam qui est désigné par l'association. Les gens qui sont désignés, c'est eux les prioritaires. Par exemple, l'imam n'est pas là et il n'a désigné personne pour le remplacer. Qui va présider la prière ? Dans ce cas-là, on devancera celui qui connaît mieux le Coran. Walakin bishart, comme on a dit, à condition qu'il connaisse les règles de la prière, un minimum. Quelqu'un qui connaît les règles de la prière et qui ne connaît pas beaucoup de Coran, il est prioritaire à quelqu'un qui connaît beaucoup de Coran et qui ne connaît pas les règles de la prière. Car lui, au moins, il fait une salat sahih. Deuxième chose importante, qu'est-ce que ça veut dire « aqra'uhum » l'Kitabillah ? Al-Jumhur, la majorité des savants, ils disent « aqra'uhum », c'est celui qui récite le mieux. Pas se dire « à la plus belle voix », non. Celui qui donne, récite le mieux dans le makharij, wassifat, celui qui récite le Coran kama unzil, comme il a été révélé au prophète alayhi salat wa salam, et non pas qu'il le récite ou qu'il ne dit pas le makharij comme il faut. Par exemple, imaginons, on a un a'jami, quelqu'un qui est un non-arabe, qui a appris le Coran par cœur dans un endroit avec des non-arabes, et il récite mal le qaf, le ha, le ha, le tha, le dad. Mais il est hafid. Et un autre, mashallah, il connaît un petit peu, mais ce qu'il connaît, il le récite bien. Il sort le makharij comme il faut. Qui va devancer ? Celui qui récite bien. Par contre, si quelqu'un, il sort le makharij comme il faut, il sort au moins les lettres en arabe comme il faut, il ne fait pas de faute dans les choses simples, c'est-à-dire dans le madd tabi'i, de temps, dans la shadda, mais il ne fait pas les autres règles de tajwid, comme le runna, l'idram, le mad, par exemple, de faire un munfasil ou le muttasil, etc. Il connaît pas ça, 4 temps, 6 temps. Mais sa lecture, c'est de l'arabe. Il ne change pas le sens. Le makharij, il les sort comme il faut. Il ne sait pas faire la runna, il ne sait pas faire ces choses-là. Tant que sa lecture, elle est saine, alors il sera prioritaire. Aqra'uhum li kitabillahi subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît le plus de Coran. La preuve de cela, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا » Celui qui connaît le plus le Coran. Donc en résumé, qui va présider la prière ? Il faut savoir que comme on a dit, qu'il y a un accord entre les savants, que personne ne préside la prière devant l'imam al-ratib, l'imam désigné. Et donc, dans l'ordre, qui préside la prière ? Awwalan, l'imam désigné. Thaniyan, s'il n'y a pas un imam désigné, ou bien il n'a pas désigné quelqu'un pour le remplacer, celui qui connaît le plus de Coran et qui sait présider une prière. Si ils sont égaux dans la connaissance du Coran et dans les règles de la prière, enfin qu'ils connaissent tous au moins le minimum des règles de la prière, il y en a qui connaissent plus ou moins, c'est celui qui connaît le plus la sunna, c'est-à-dire le hadith et la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Si ils sont égaux dans la sunna, c'est celui qui a fait l'égir en premier. Si un des deux, il a fait l'égir d'un pays de kufr vers un pays de l'iman, pays de l'islam, il est prioritaire. S'ils sont égaux dans l'égir, c'est-à-dire aucun des deux n'a fait l'égir, ou bien un, les deux ils ont fait l'égir en même temps, alors c'est le plus âgé parmi eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Donc est-ce que c'est clair le tertib? Le prioritaire c'est l'imam al-ratib, l'imam désigné, ou bien la personne chez lui. Bien sûr, à condition que ya'lamu fiqh as-salat. Toujours, ça c'est la condition, on ne peut pas l'enlever. Celui qui n'a pas cette condition, il ne peut pas être imam. Donc, l'imam al-ratib, l'imam désigné, ou la personne chez lui, ou le responsable, dans n'importe quel endroit où il y a une responsabilité. C'est le prioritaire. Le responsable, ou bien celui qui l'a désigné à sa place, c'est-à-dire l'imam al-ratib. S'il n'a pas, aqra'uhum, celui qui connaît le plus de Qur'an, wa alim bi fiqh as-salat, qui connaît les règles de la prière. S'ils sont égaux dans la connaissance du Coran, alors ce sera celui qui connaît le mieux la Sunna. S'ils sont égaux dans la connaissance de la Sunna, celui qui a fait l'égir le plus tôt. S'ils sont égaux dans l'égir, ce sera celui qui est le plus âgé parmi eux. C'est comme ça l'ordre de l'imama fi shari'atina. Wa subhanallah, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donner clairement l'ordre à suivre dans chaque chose. Tayyib. Est-ce que c'est une condition que celui qui mérite le plus l'imam y préside? Par exemple, on est tous ensemble, il n'y a pas d'imam désigné. On a, mashallah, un hafid al-kitab illah, alim bi fiqh al-salat. On lui dit, t'qaddam, il dit non. Un autre, il salli bin nas, il connaît juste la fatiha. Juste la fatiha. J'ai pris l'extrême, comme ça on va pas... Non. Il connaît la fatiha, il connaît les règles de salat, il connaît le wudu, il sait présider une prière. Il connaît la fatiha, c'est tout. Leur salat, elle est valide. Il n'y a pas de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas prié derrière Abu Bakr al-Siddiq? Et il a prié derrière Abdurrahman ibn Aouf. Voilà à chaque cas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mieux qu'eux. Et qu'il mérite d'être imam plus qu'eux. Mais pourtant, il a prié derrière eux. Idan, il n'y a aucun mal que ce ne soit pas le plus méritant qui soit imam pour d'autres. C'est valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a prié derrière Abu Bakr et derrière Abdurrahman ibn Auf. Walakin, si on doit choisir, on suit l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de suivre. Maintenant, on va voir, est-ce qu'un aveugle peut être imam pour les gens? Non, c'est une question qui se pose. Pourquoi on pose cette question? Parce que par exemple, chez l'imam Malik, non. Un aveugle, il ne peut pas faire imam pour les gens. Parce que pour lui, l'imam, il doit être kamil al-hay'a. Il doit être quelqu'un de complet. Quelqu'un qui est capable, pour lui, il voit ça. Walakin al-sahih, c'est qu'il peut. Car le hadith de Utban ibn Malik, qui était aveugle, qui présidait la prière pour les gens, et qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, quand il y a de la pluie, il y a le fleuve, il déborde, je n'arrive pas à aller présider la prière pour les gens. Alors viens prier à un endroit chez moi pour que je puisse le prendre comme endroit de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été prié dans cet endroit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et il a aqarra, il a été d'accord de ce que cette personne qui est aveugle, il puisse présider la prière pour les gens. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Un autre hadith rapporté par Abu Ya'la ibn Hibban, wa huwa hadith sahih li ghayrihi, où Aisha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé Ibn Ummi Maktoum présider la prière pour les gens à Medina. Et Ibn Ummi Maktoum, il était aveugle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a désigné d'être imam alors qu'il était aveugle. Ça prouve que l'imama, imamatul a'ma, ja'iza, bila karaha. Il n'y a pas de mal en cela. Thaniyan, l'imam d'un esclave. Quelqu'un qui est esclave. Il n'est pas libre. À l'époque où il y avait des esclaves. Est-ce que sa imam, le fait qu'il préside la prière, c'est valide? C'est valide, on l'a vu tout à l'heure. Dans le hadith de Salim, Mawla Abi Hudayfa. Ou Mawla Hudayfa. Salim qui était l'esclave de Abi Hudayfa qui a présidé la prière pour les sahaba, ils l'ont tous désigné. Et c'est un ijma' des sahaba. Ça, c'est un consensus de tous les sahaba qui sont venus des Quraishi, les Quraish, les Muhajirin, qui sont partis de Mecca, ils l'ont choisi comme imam pour eux. Donc ça prouve qu'un esclave peut être imam. D'ailleurs, Nafir rapporte, Abdel Harith a dit à Omar qu'il avait désigné quelqu'un pour être imam, qui s'appelait Ibn Abza. Il lui a dit, vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre qu'un esclave pour vous faire imam? Il a dit, oui, mais il y a Omar, c'est celui qui connaissait le plus le Coran parmi nous, et il connaît en plus la Sunna. Et c'est celui qui connaissait le plus le Coran parmi nous, et il connaît en plus les règles de l'héritage. Alors Omar radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes Allah élève par ce livre des gens et il en rabaisse d'autres. C'est-à-dire que cette personne, Allah il l'a élevé par le Coran. Kadhalika, un enfant qui n'est pas pubère mais qui comprend ce qu'il fait. Par exemple, après 7, 8, 10 ans. Par exemple, entre 10 ans et 14 ans. Est-ce que lui il peut être imam dans le faraï, dans les prières obligatoires et dans les prières surrogatoires? Il y a divergence entre les savants sur cette question. Et le plus juste, c'est que le fait qu'il puisse faire imam, c'est permis. On a vu que Amr ibn Salama, il a présidé la prière des gens alors qu'il avait 6 ou 7 ans. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de choisir celui qui connaît le plus le Coran, ils ont trouvé que dans tout leur groupe, celui qui connaissait le plus le Coran, il avait 6 ans ou 7 ans. C'est lui qui a fait imam pour eux. Les sahaba, ils ont choisi pour faire imam pour eux un enfant de 6 à 7 ans, mais qui sait ce qu'il fait. Il connaît les règles de la prière, il sait faire une salat, il sait réciter. Pas un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Mumayyiz. C'est pour ça qu'on dit As-sabiyul mumayyiz. Il comprend ce qu'il fait. Wa ya'qil. Il n'est pas encore pubère, mais il a la raison. Il comprend ce qu'il fait. Il sait présider une prière. Il ne joue pas quand il prie. Il peut faire une prière sérieusement du début à la fin avec ses règles. L'imam de cet enfant-là, il est valide. Certains diront, il y a certains savants qui disent que non. Et ils disent que cette histoire qui s'est passée avec les sahaba, elle s'est passée sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit au courant. Mais on leur répond, ce qui se passe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba, ils faisaient des choses à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas au courant, Allah il est au courant. C'est le moment où les règles elles sont instaurées. Et si ce n'était pas permis, Allah il l'aurait révélé, ou bien dans le Coran, ou il l'aurait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait envoyé un messager pour leur dire non, ne faites pas présider un enfant à votre prière. De même que Abi Saïd et Jabir et beaucoup de sahaba disaient que c'était permis de faire certaines choses en islam. Pourquoi ils disaient on le faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a rien qui a été révélé dans le Coran pour nous dire de ne pas le faire. Donc ça prouve que sahaba, radiallahu anhum, il considérait que tout ce qui est fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les croyants et qui n'a pas été repris ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni par le Coran, ça veut dire que c'est une chose permise et valable. Le plus méritoire, c'est quelqu'un qui, si c'est un enfant qui n'a pas le haïba, la yattaqillah, c'est quelqu'un, il joue, il n'est pas capable de présider la prière. Celui-là, on ne le devance pas. Walakin, si c'est un enfant, masha'Allah, il fait salat, il est sérieux, même s'il joue en dehors de salat, mais il sait faire salat comme il faut. Et il connaît plus le Coran que tout le monde. Et il n'y a pas d'imam. On le devance. Non. Autre chose, imam à tout le fasiq. Un fasiq, un dévoyé. Quelqu'un qui fait des péchés. Visibles. C'est-à-dire, quelqu'un, on sait qu'il fait des péchés. Ou bien c'est un zalim, c'est un injuste. Comme Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui a tué des gens, qui a torturé, etc. Ou bien un fasiq. C'est un imam, mais c'est l'imam désigné, mais c'est un fasiq. Tout le monde sait qu'il joue au tiercé, ou là je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il fait, il est dans le haram. Sallallahu alayhi wa sallam. Si on peut prier autre part, on ne prie pas derrière lui. On prie derrière quelqu'un de la sunna. Mais si c'est la seule mosquée de notre coin, et si on ne prie pas derrière lui, il n'y a plus de salat jama'a, alors on prie derrière lui. C'est quoi la preuve de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, les imams vous président la prière. S'ils font du bien, s'ils la font bien, c'est pour vous, c'est gagné pour vous. S'ils font des mauvaises choses, ou ils se trompent, ou ils font des péchés, Falakum, pour vous, c'est des hasanat, wa alayhim, et c'est contre eux. Les erreurs qu'ils font, ce sera contre eux. Vous, vous n'avez pas de part dans leurs erreurs. Kadhalika le hadith de Ubaydillah ibn Adi, qu'il est rentré voir Uthman ibn Affan. Écoutez bien cette histoire, parce que c'est au moment de la fitna de Uthman. Quand Uthman, il était entouré, chez lui, encerclé par les gens de la fitna qui voulaient le tuer, il n'arrivait même plus sortir à la mosquée pour présider la prière. Et à ce moment-là, qui présidait la prière? Les gens de la fitna, les gens qui sont venus pour le tuer. Alors imagine-toi. Et ils ont demandé à Uthman ibn Affan, alors qu'il était encerclé, c'est toi l'imam l'âme, c'est toi l'imam de tous les musulmans. Et on voit que tu es touché par ce malheur. Et celui qui dirige notre prière, c'est l'imam de la fitna. C'est l'imam du trouble et de la fitna qui est venu faire la tentation entre les musulmans. Et on a du mal à prier derrière lui. Ça ne nous plaît pas de prier derrière cette personne. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a dit, la prière, c'est la meilleure chose que l'homme puisse faire. Si les gens font du bien, alors faites du bien avec eux. Et si les gens font du mal, alors ne faites pas du mal avec eux. Regardez, Sahaba, ils ont été tous d'accord, ils ont toujours prié, même derrière les gens de l'fitna ou des gens derrière le fasiqin. D'ailleurs, Abdullah ibn Amr, il a prié derrière l'Hajjaj ibn Yusuf, wa huwa min afsaqi khalqillah. C'est parmi les pires des créatures d'Allah parmi les musulmans. On va pas dire que c'est un kafir, c'est un musulman, mais qui a fait du mal. Il a tué, il a opprimé, il a attaqué la Mecque. Il a fait couper la tête de Abdullah ibn Zubayr. Ils sont venus encercler la Mecque parce qu'Abdullah ibn Zubayr, il était à la Mecque. Ils ont jeté la Mecque avec des catapultes. Et ils l'ont attaqué, il lui a fait couper la tête. Et il était gouverneur en Irak. Et il a fait tuer des ulama et parmi les tabi'in. Et Abdullah ibn Omar, il faisait la prière derrière lui. Donc, sahaba wa tabi'in, il priait même derrière les gouverneurs zalimin. Même injuste, même qui torture, même qui tue, s'il y a la salat, il prie derrière lui. Bien sûr, si on peut prier derrière quelqu'un de la sunna, il faut prier derrière quelqu'un de la sunna et délaisser cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Thawban, hadith rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud et Ahmed, « Innama khafu ala ummati al-aimmatul mudillin. » J'ai peur pour ma communauté des imams qui égarent les gens. Donc, si on peut prier derrière quelqu'un d'autre qui n'est pas un dévoyé, qui n'est pas un injuste, qui torture, qui fait du mal, alors on le délaisse et on prie derrière quelqu'un d'autre. Mais si on n'a pas le choix, c'est la seule mosquée du coin, et l'imam il est là, on ne peut pas le destituer comme ça, car on va faire la fitna, on va faire la division entre les musulmans, on va faire des problèmes, on prie derrière lui et c'est tout. Non. Un mécréant, on ne peut pas prier derrière lui. Kafir, c'est deux sortes. Asli, kafir de naissance, il est resté kafir. Allahu a'lam si c'est déjà arrivé, mais c'est possible. Ou un musulman qui a apostasié ou qui a fait du kufr. Par exemple, les gens qui adorent les tombes, ils se prosternent devant les tombes, et tamassahoun bil qubur. Kafir. Tu peux pas prier derrière cette personne-là. De même, quelqu'un qui renie le Coran. Par exemple, l'Ahmadiyya, ils ont une mosquée ici, tiens, à Saint-Prix. L'Ahmadiyya, c'est une secte. Les ulama, ils sont tous d'accord pour dire que c'est des koufars. Tu peux pas prier derrière ces gens-là. Ils font salat, ils font le hajj. Ils disent qu'il y a un prophète qui est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mirza Ahmed. Ils disent qu'Allah, il parle en anglais. Et ils disent d'autres bêtises. Donc ceux-là, par exemple, si tu sais pas les salat cachés, ta prière est sahiha, comme il a dit l'imam Ibn Hazm. Il a dit, si tu as prié derrière quelqu'un, après, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était un kafir, ou murtad, ou etc. Tu ne reprononces pas ça. Pourquoi? Parce qu'au moment de prier derrière lui, tu savais pas. Tu as cru que c'était un musulman. Il ne t'est pas demandé d'aller poser des questions à chaque imam. Si on est dans un pays musulman, le ministre des Affaires religieuses, lui, c'est son travail de voir qu'est-ce qu'il fait l'imam, qui est l'imam dans la mosquée, est-ce qu'on peut le laisser. Walakin al-mastour al-hal, celui dont son état, il est caché. Tu sais pas. Zahiruhu muslim. De l'extérieur, tu vois que c'est un musulman. Tu n'as pas à aller chercher les détails. Ni demander c'est qui, ni c'est quoi, ni ce qu'il croit. Si après tu t'es rendu compte que c'est un rafidi, quelqu'un qui dit que sahaba c'est des koufars, wa yasub à Aïcha, et qui dit que le Coran il est pas réel, comme le shia, que le Coran qu'on a aujourd'hui c'est pas le Coran, alors tu ne pries plus derrière lui. Rafida. Déjà, leur vrai nom, c'est Rafida. C'est pas des Shia. Limana, liannahum rafadu. Ils ont refusé. Quand un des descendants de Ali ibn Abi Talib, ils ont été le voir et lui ont demandé, qu'est-ce que tu penses de Abu Bakr et Omar? Il a dit, mon père, il disait que c'était les meilleurs des gens. Rafadu. Ils ont refusé. Alors, summu min dhalika al-yawmi rafida. Ceux qui refusent la réalité. Pourquoi on ne dit pas que c'est des musulmans? Premièrement, ils disent que le Coran qu'on a ici, c'est pas le Coran. Ils disent qu'il manque des choses là-dedans. Eux, ils disent que le Coran qu'on a ici, c'est pas le vrai Coran. Donc, celui qui dit que ce Coran-là, c'est pas le vrai Coran, kafir. Parce que ça, c'est le Coran qui nous a été transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les sahabas, vers etc. Celui qui dit ça, c'est comme s'il mettait en doute la parole d'Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Premièrement. Deuxièmement, ils disent que les sahaba c'est tous des kuffars, sauf sept parmi eux. Alors qu'Allah dans le Coran, il a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. En disant ça, ils ont démenti le Coran. C'est comme s'ils disaient Allah c'est un menteur. Parce qu'Allah il a dit radiyallahu anhum wa radu anhu, eux ils disent non. Ma radiyallahu anhum, c'est des kuffars. Donc en disant cela, ils démentent le Coran. Troisièmement, ils insultent la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha. Et ils lui disent des choses graves sur elle. Quand on insulte ta femme et on insulte tes compagnons, ça veut dire qu'on t'insulte qui? On t'insulte toi ou non? En insultant la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, en fait ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Allah il a choisi des femmes égarées pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'Allah il a choisi des compagnons égarés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. Quatrièmement, les shi'a yastarithuna بعلي والحسن والحسين من دون الله. Il demande à autre qu'Allah. Il dit Ya Hussein, Ya Ali. Il ne demande pas Ya Allah. Et Shia, ils sont plusieurs sortes. Il y a des sectes et des sous-sectes. Les gens du commun qui ne savent pas, là nous kafiruhum ayniyan. On ne dit pas c'est un kafir bil'ayn, lui. Parce que huwa jahil, peut-être que si la vérité lui vient, il acceptera. Les ulama, ils disent ça. Nos savants aujourd'hui disent que Ammat al-Shia, là tu kafiruhum ayniyan. Tu ne dis pas. Toi, t'es un kafir à une personne précise. Mais tu dis, shi'a, amatan. En général, les shi'a, c'est des kuffars. Mais leurs ulama, c'est des kuffars. Parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'ils font et ils refusent avec connaissance. Et eux, dans leur discours officiel, ils disent que, soi-disant, on est des frères, etc. Mais si tu lis leurs textes et leurs écrits, ils ont des textes que si un mur, il tombe sur un sunni, tu dois pas le prévenir. Tu dois laisser tomber le mur sur lui. Nous, on dit que même si le mur il tombe sur un âne, on doit sauver l'âne. Alors qu'est-ce que tu dis d'un être humain? Que ce soit un kafir, ou que ce soit un musulman, ou que ce soit un chrétien ou un juif, on va le sauver. Eux, ils disent, si le mur il tombe sur un sunni, tu laisses le mur tomber sur lui, s'écrouler sur lui. Tu vas pas le sauver. Et encore d'autres. Donc si on sait que par exemple c'est une mosquée, dans une mosquée c'est une mosquée de Shia, on prie pas dedans. On va pas prier avec eux derrière eux. Si tu n'as pas trouvé d'endroit, tu pries tout seul. Salat ka sahiha. Si pendant la prière, tu te rends compte que c'est un kafir qui préside, tu mets l'intention que tu pries tout seul. Tu vas faire les gestes en même temps qu'eux, mais tu fais tous les piliers, toutes les obligations seul. Comme si tu priais tout seul, même si tu es dans le rang. Comme on a dit, celui dont on ne connaît pas, ça, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui est mubtadi', qui est un innovateur, ou bien c'est un dévoyé ou un égaré, on ne sait pas. Les quatre imams, l'imam Ahmed, wa Shafi'i, wa Malik, wa Abu Hanifa et d'autres parmi les grands savants d'islam, ils ont dit, on prie derrière lui, notre prière elle est valide, on n'a pas besoin d'aller chercher les détails. Si après tu sais que c'est quelqu'un qui est un innovateur, un égaré, tu pries derrière quelqu'un de la sunna, si tu peux. Si tu sais que c'était quelqu'un qui fait des bid'a, Mukaffira, qui fait des bidars, des innovations qui peuvent être du kufr, tu pries dans une autre mosquée. Mais tu n'auras pas besoin de... La majorité des savants voient que si tu sais que c'est un kafir, tu refais la prière. Au sahih, c'est que tu n'as pas à la refaire, car au moment où tu as prié derrière lui, tu as fait selon ta connaissance. Donc, Allah Ta'ala ne t'a pas imposé la connaissance de l'invisible. Autre chose, est-ce qu'une femme, elle peut présider la prière des hommes? Même Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le peuple qui donne la direction de leurs affaires à une femme ne réussira jamais. Quelle affaire plus importante que la prière? D'ailleurs, ça a été rapporté que depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, jamais une femme n'a présidé la prière des hommes, même dans une maison. إذن لا تصح. Quelqu'un qui prie derrière une femme, sa salat elle est batila. Elle est invalide. Ma dalil, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui invente quelque chose dans cette religion, elle est refusée, comme le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam l'a dit. Dernier point pour aujourd'hui, inshallah, celui qui préside un peuple alors que les gens ils ne l'aiment pas. Donc ce hadith d'Abu Umama où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois personnes, leur prière, elle ne dépasse pas leurs oreilles. C'est-à-dire, Allah, il n'accepte pas leur prière. Un esclave qui s'est sauvé, à l'époque où il y avait des esclaves. Une femme qui laisse son mari dormir fâché contre elle. Allah, il n'accepte pas sa prière. Elle ne dépasse pas ses oreilles. Et un imam qui préside la prière alors que les gens derrière lui, ils ne l'aiment pas. Celui-là aussi, la prière, elle ne dépasse pas ses oreilles. Cette mise en garde, elle est pour l'imam que les gens n'aiment pas à cause de quoi ? À cause de son égarement. Parce que c'est un égaré. Parce qu'il a, il est injuste. Walakin, si c'est quelqu'un dans la sunna, si eux ils ne l'aiment pas à cause de la sunna, à cause du fait qu'il applique la sunna, à cause du fait qu'il appelle les gens al-kitab wa sunna, alors c'est les ma'moumin, c'est les gens qui prient derrière lui qui ont le péché et non pas l'imam. Autre chose, il n'est pas permis à quelqu'un de présider dans une prière alors que l'imam ratib, l'imam désigné, il ne l'aime pas, il veut pas de lui. Par exemple, quelqu'un, il est imam dans une mosquée. Et il y a des gens, ils le critiquent, ils ne l'aiment pas. Lui, il a interdit que ces gens, ils président. Ces gens-là, ils n'ont pas le droit de présider dans la mosquée où lui, il est imam. Car c'est lui qui est responsable dans cet endroit-là. Et certains ulama, ils voient même que cette salat, elle est batila, elle est invalide. Le sahih, c'est qu'elle est sahiha, walakin huwa athim. Il a le péché. Car il n'a pas à présider à la place d'un imam, si cet imam-là, il ne l'accepte pas.